La vieille fille déployait la tendresse d'une brutale mais réelle maternité. Le jeune homme subissait, comme un fils respectueux, la tyrannie d'une mère. Cette alliance bizarre paraissait être le résultat d'une volonté puissante, agissant incessamment sur un caractère faible, sur cette inconsistance particulière aux Slaves, qui, tout en leur laissant un courage héroïque sur les champs de bataille, leur donne un incroyable décousu dans la conduite, une mollesse morale dont les causes devraient occuper les physiologistes, car les physiologistes sont à la politique ce que les entomologistes sont à l'agriculture. « Et si je meurs avant d'être riche ?» demanda mélancoliquement Venceslas. « Mourir ? » s'écria la vieille fille. « Oh, je ne vous laisserai point mourir. J'ai de la vie pour deux, et je vous infuserai mon sang s'il le fallait. » En entendant cette exclamation violente et naïve, les larmes mouillèrent les paupières de Steinbock. « Ne vous attristez pas, mon petit Venceslas, » reprit Lisbeth, émue. « Tenez, ma cousine Hortense a trouvé, je crois, votre cachet assez gentil. Allez, je vous ferai bien vendre votre groupe en bronze. Vous serez quitte avec moi, vous ferez ce que vous voudrez, vous deviendrez libre. Allons, riez donc !»« Je ne serai jamais quitte avec vous, mademoiselle, » répondit le pauvre exilé. « Et pourquoi donc ? » demanda la paysanne des Vosges, en prenant le parti du Livonien contre elle-même. « Parce que vous ne m'avez pas seulement nourri, logé, soigné dans la misère, mais encore vous m'avez donné de la force. Vous m'avez créé ce que je suis. Vous avez été souvent dur, vous m'avez fait souffrir. « Moi ? » dit la vieille fille. « Allez-vous recommencer vos bêtises sur la poésie, sur les arts, et faire craquer vos doigts, vous détirer les bras en parlant du beau idéal de vos folies du Nord. Le beau ne vaut pas le solide, et le solide, c'est moi. Vous avez des idées dans la cervelle ? La belle affaire. Et moi aussi j'ai des idées. À quoi sert ce qu'on a dans l'âme si l'on n'en tire aucun parti ? Ceux qui ont des idées ne sont pas alors si avancés que ceux qui n'en ont pas, si ceux-là savent se remuer. Au lieu de penser à vos rêveries, il faut travailler. Qu'avez-vous fait depuis que je suis partie ?